quand on arrive, ça fait boum pa pa pa pa. Ça arrache la gueule comme la shakshuka matata. Pas de San Francisco, on vous la fait à la freestyle. Ni suspense ni huis clos, c'est pas du Agatha Christie. Quand on arrive, ça fait boum pa pa pa pa. Ça arrache la gueule comme la shakshuka matata. On fait dans le triste, on a plus d'un 16 dans notre grimoire. Pour que ça glisse, on met du beurre dans nos écrits noirs. On est de la street, si tu peux nous cacher, cache-nous. Plutôt que l'âge koumoun, on préfère porter la stache mou. Comme les darons, moi je fais mes affaires en soum soum. Se vit jusqu'au caleçon depuis l'époque de Sim Sam Zoom. Hey, ils comprennent rien au rap, faut que je les éclaire allume. Le mic, ils regardent mon hat quand je leur monte la lune. Comment ils font pour se regarder dans la glace? On est peut-être de la même école, mais pas de la même classe. Du mal à gérer la tentation, mêler les sentiments. Comme nos fréquentations, faut juste un petit temps d'adaptation. Éviter la frustration, c'est sans négociation. Tu ne pourras pas refuser notre invitation. Y'a pas d'échappatoire, quelques chats noirs restaient bloqués dans l'entonnoir. Faut faire quelque chose car je ne peux plus les voir. Ces sapeurs de morale veulent assassiner l'espoir. Quand on arrive, ça fait boum pa pa pa pa. Ça arrache la gueule comme la shakshuka matata. Pas de San Francisco, on vous la fait à la freestyle. Ni suspense, ni huis clos, c'est pas du Agatha Christie. Quand on arrive, ça fait boum pa pa pa pa. Ça arrache la gueule comme la shakshuka matata. On fait dans le triste, on a plus d'un 16 dans notre grimoire. Pour que ça glisse, on met du beurre dans nos écrits noirs. On est déter, comme la plupart des mecs sur le terre-terre. Les yeux rouges comme l'enfer, appelle tes cerbères. J'suis un renard du désert, à la discipline militaire. Face aux pinçons, se viscère. Va le dire au commissaire, qu'on bouffe même les viscères. Tes émissaires n'ont rien à faire dans nos sphères. Ici on bâtit folle pas. Le suicide est interdit dans notre mafia. On protège les cages comme Casillas. On sort les clashs comme Zifou, on défouraille. J'ai mon pactage et j'suis prêt pour la cavale. Prêt à mesurer à qui veut manger une rafale. Pour la canne, j'traîne plus avec les losers. En évitant les platanes, j'fais mes affaires en douceur. Depuis l'époque, BMD et de headbanger. J'amène toujours du 109 comme si j'étais Arsène Wenger. Logo sur le polo, je reste classique quand je me sape. Comme JMB, on me reconnaît à ma casa. Quand on arrive, ça fait boum pa pa pa pa. Ça arrache la gueule comme la shakshuka matata. Pas de San Francisco, on vous la fait à la freestyle. Ni suspense, ni huis clos, c'est pas du Agatha Christie. Quand on arrive, ça fait boum pa pa pa pa. Ça arrache la gueule comme la shakshuka matata. On fait dans le triste, on a plus d'un 16 dans notre grimoire. Pour que ça glisse, on met du beurre dans nos écrits noirs. Dis à tous tes potos que c'est de la tuerie. C'est pas des chevaux qu'il y a sous le capot, mais une écurie. Que ce soit engrenage, que ce soit bouteille de gaz, c'est le son de la goutte d'or qui fait déborder le vase. En secret, dis à tous tes potos qu'on lâche pas l'affaire. Que c'est le retour des Lascars de BEZ, BAR. Te manque pas d'air, viens partager la shakshuka. Rendez-vous rue Mira, ça fera plaisir à ma tata.